Sandstorm Production. Sandstorm Production présente Xavier Cartio, Adrien Bertalon et Thibaut Rispal. Les yeux de Mathilde. Et vous dites qu'elle est arrivée ce matin, alors ? Oui, on l'a découvert vers 7h40. On l'a ramenée ici vers 8h20, il y a 15 minutes à peu près. Inspecteur, ça ne vous dérange pas si je jette un œil au... Bien sûr, tenez. Merci. Mathilde Tarlin, 12 ans, disparue de son domicile il y a un jour. On la retrouve ce matin à 7h43. Le corps est découvert par Madame Parsan alors qu'elle amenait son fils à l'école primaire. Ouais. Traumatisant pour le gosse. Et pour la mère. En effet, il y a de quoi être plutôt choqué en voyant cette petite. Je reviens dans quelques minutes avec son père. Vous pouvez commencer l'analyse ? Bien sûr. J'attendrai qu'il soit parti pour aspirer l'eau. Les poumons en sont gorgés. Très bien. Je reviens tout de suite, docteur. Bien, allons-y, Mathilde. Que nous dit-on encore ? Retrouvée noyée dans la piscine d'une famille vivant en banlieue, le corps flottait dans l'eau, les yeux tournés vers le fond, ne laissant que ton dos à l'air libre. Découvert par Théo Parsan, âgé de 8 ans, aux alentours de 7h25-7h30. Madame Parsan appelle tout de suite la police qui arrive sur les lieux vers 7h40, prend quelques clichés, avant de t'extirper de l'eau. L'identification du corps se fait rapidement, car la veille à 20h, tes parents annonçaient ta disparition à la police et ont lancé la vide. Et tiens, on t'a retrouvé les yeux ouverts. Pas courant pour une noyade. Alors, est-ce qu'on a des marques sur ces photos ? Quelques ecchymoses, on doit pouvoir les observer directement sur ton corps maintenant. C'est triste. Pour peu que la famille Parsan ait eu une alarme sur leur piscine, tu serais sauve. Il y a quelques hématomes le long du corps, de la terre qui est restée incrustée sous les ongles, mais ses yeux, de grands yeux bleus, d'un bleu foncé et profond. Alors, le sujet est Mathilde Tarlin. Date de naissance, le 13 février 2002. Date de décès, le 10 ou 11 septembre 2014. La victime a été retrouvée dans une piscine chez un particulier aux alentours de 7h25. Nous pouvons noter la marque d'hématome sur tout le corps ainsi que deux marques assez visibles au niveau du cou. La victime a été retrouvée les yeux ouverts, ce qui indique très clairement une mort non naturelle. Déjà de retour ? C'est par ici, Monsieur Tarlin. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'agit bien de Mathilde Tarlin ? Mathilde ! Mathilde ! Merci, Monsieur Tarlin. Je vous retrouve tout de suite dans mon bureau. C'est la partie que je hais le plus dans mon métier. C'est pour cela que je ne fréquente que des morts. Les morts n'ont pas d'émotion, ils ne peuvent pas vous affecter. 12 ans, l'âge de mon fils. Vous avez des enfants, Frédéric ? Non. Un rapide diagnostic ? Retrouvez les yeux grands ouverts, des marques sur les jambes et les bras, deux gros ecchymoses au niveau du cou, la terre sous les ongles que je retirais tout à l'heure pour l'analyse. Cette petite a été assassinée, Jonas. Quel genre de malade peut faire ça ? S'en prendre à une gosse, merde. Un malade. Concernant l'heure de la mort, ça demande une analyse un peu plus approfondie. Je pense qu'elle a été tuée entre 23h et 1h. À cause de sa peau ? Elle a un léger aspect de macération. Un début de moisissure dans les zones buccales et nasales. Turgescence au niveau des poumons. On l'a maintenue sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. La salopard. Vous avez trouvé quelque chose ? Des empreintes ? Autre chose ? Hélas, rien du tout. Cette enflure est douée. Un lien avec les autres victimes retrouvées les dernières semaines ? On n'en sait rien. Les victimes sont différentes en tout point. Âge, sexe, religion, situation sociale. On n'a trouvé aucun lien qui les relie. C'est juste un sadique. Sans aucun doute. Dites-moi, vous connaissez la théorie de la persistance rétinienne ? Non, allez-y. Ses yeux. Il s'agit plus d'un mythe que d'une théorie scientifique. Lorsque vous regardez une image pendant plus de 30 secondes et que vous fixez un mur blanc, vous verrez apparaître un court instant cette même image en négatif, n'est-ce pas ? Oui, continuez. En réalité, c'est une image rémanente. Elle s'imprime dans votre rétine l'espace d'un 25e de seconde, ce qui explique que vous voyez cette image une fois que vous regardez autre chose. Votre cortex visuel mémorise cette image lui aussi. Mais quand vous mourrez, un nouveau phénomène s'installe. Vous devenez statique, vous ne bougez plus, vous ne respirez plus, vous ne voyez plus. Ce qui inclut le fait que vous gardez cette dernière image imprimée au fond de votre rétine. Que la dernière vision que vous ayez eue sur Terre soit celle qui s'inscrit en vous pour l'éternité. Bien évidemment, ce n'est qu'un mythe. L'œil humain est d'une complexité fabuleuse, mais si un jour il existait un moyen de voir cette dernière image, je vous parie que nous pourrions voir le visage de notre assassin. Ce serait trop facile, et trop tard. On ne devrait pas attendre que les assassins tuent pour les coffrer. Ce qu'il faudrait, ce serait un moyen de les attraper avant qu'ils commettent l'irréparable. Un jour, qui sait, nous vivrons dans ce monde de science-fiction. Bien, je vous laisse œuvrer, Frédéric. Je dois prendre la déposition du père. Bien entendu. Et si vous pouviez le rendre tel quel ? Sans aucun problème. Très bien, merci. J'attends votre rapport d'autopsie ce soir. À ce soir, inspecteur Brockhart. Bien, allons-y, Mathilde. Tu es prête ? Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais bien plus que nécessaire pour se noyer. Tu savais qu'il ne fallait qu'une cuillère à café d'eau pour se noyer, Mathilde ? C'est fou de se dire que dans des organes aussi grands que les poumons, une simple petite cuillère à café suffit à éteindre l'étincelle de vie. Nous allons procéder de manière méthodique, essayez de suivre. Un bécher pour tester le pH de la piscine et le taux de chlore, le reste de l'échantillon dans un petit flacon. Mon travail est plutôt minutieux, tu sais. Même si leurs patients sont morts, les médecins légistes doivent avoir des mains de chirurgiens, comme si on accordait plus d'importance aux défunts qu'aux vivants. Un peu de nitrate d'argent, une goutte sur du papier pH. On peut observer la formation d'un précipité gris assez clair, un pH de 7,6. Un peu trop basique pour une piscine. Alors, où en étions-nous avant l'interruption de notre diagnostic, Mathilde ? Oui, la description corporelle. Dis-moi, tu aimes la musique ? Ah, le clair de lune. Magnifique morceau de Ludwig, tu connais ? C'est l'occasion de découvrir, alors. Donc, nous disions, la victime a été retrouvée les yeux ouverts, ce qui indique très certainement une mort non naturelle. La victime est brune, un léger tressaillis dans les cheveux indique qu'elle les porte bouclés d'ordinaire. Les yeux bleus, sombres de nature, d'un bleu pénétrant. Pas de vernis sur les ongles, pas de tatouage ou piercing, un corps en cours de croissance et toutes les dents bleues ont l'air d'être tombées. Bien, passons aux marques, veux-tu ? Des traces d'ecchymose, donc, sur le cou, situées au niveau de la jugulaire et de la carotide. Au vu de la forme des traces, le tueur a englobé de ses deux mains le cou de la victime. Signe que le tueur ne connaît pas l'anatomie humaine. Sinon quoi, il aurait pressé directement sur ses deux artères. La mort aurait été plus douce, l'asphyxie légère. Excuse-moi Mathilde, cette sonate me donne des élans poétiques, mais nous savons tous les deux que je ne suis qu'un médecin. Une bonne pression de quelques secondes sur ses zones et c'est comme si on s'endort tout doucement. La mort ne se fait pas sentir. Voilà, plus d'eau dans les poumons. Voyons voir la terre que tu as sous les ongles, ma chère. N'aie pas peur du scalpel, je vais juste gratter un peu. Tu t'es débattu, mais pas assez pour avoir un peu de sang sous les ongles. Quoiqu'il a pu s'évaporer dans la piscine quand il t'a noyé. Pas si bête que ça, l'infanticide, en fin de compte. Nous avons dit tout à l'heure des marques sur les bras et avant-bras ainsi que sur les jambes, c'est ça ? Alors. On t'a tenu fermement les bras, pas de trace de coup direct, et une marque faite à la main juste au-dessus des chevilles. Il t'a tiré sur la pelouse des parsans, puis il t'a jeté dans l'eau. Tu t'es débattu, mais il était trop fort pour toi, c'est ça. Puis tu as abandonné le combat et tu l'as fixé une dernière fois. On l'a température corporelle ne donnera rien, la piscine a fait chuter ta température et l'a maintenue à 24 degrés. On peut aussi oublier la datation via la coagulation du sang, l'eau a affecté ton état corporel. Vois-tu, elle a affecté ton fluide vital, ta vie, ton corps, mais pas tes yeux. Tes grands yeux, détenteurs de vérité, geôlier de ton meurtrier et gardien du mystère. Et quel mystère ! Un meurtre chez des inconnus ne pouvant entendre tes cris, ne pouvant réagir car personne ne sait que tu es là chez ces gens, que tu cours vers une quelconque issue. Alors s'enchaîne une triste symphonie de cris et de pleurs. Débute ainsi le malheur. Débute ainsi le chagrin auprès de la famille Tarlin, et c'est finalement au clair de lune que ta vie te quittera. Comme si Beethoven savait, comme si Ludwig te connaissait et avait prédit ce qui arriverait. Flash, vision rémanente, persistance rétinienne. Nous en revenons toujours au mythe, n'est-ce pas ? Ses mains n'ont pas appuyé sur les artères car il sait qu'il s'agit d'un point faible. Il sait qu'il se trahira s'il te maintient par là. Il ne frappe pas. Il n'en a pas besoin. Il te tient, te traîne. Il t'attire dans ce cauchemar aquatique, cet enfer des eaux. Il ne fait que te tenir, mais tu t'accroches à la vie, tu t'accroches à la terre. Sauf que Gaïa n'est pas de cet avis. Elle n'a pas besoin de toi, n'a plus besoin de toi. Et cet assassin, le sait-il ? Connaît-il la légende concernant tes yeux ? Sait-il que dans ce bleu profond se dissimule son visage ? Fiction ou vérité ? J'aime reconstruire les scènes telles que je les vois, mais ton point de vue est tout autre. Ton point de vue est figé, Mathilde. Et toi, sais-tu qui il était ? Connaissais-tu son visage avant qu'il ne viole ton regard, avant qu'il n'occupe une partie de toi ? Bien sûr que non, vous ne vous êtes jamais croisés auparavant. Il se souviendrait de ce regard, de tes magnifiques lobes oculaires. Et il ne répond qu'à ses pulsions, ses envies, ses curiosités. Et Dieu sait que je suis curieux. Le clair de lune. Tu n'es pas la première à qui je le fais découvrir, tu n'es pas la dernière qui aura droit. Alors, Mathilde, mythe ou réalité, crois-tu que mon visage rendrait bien dans ton sublime regard ? Crois-tu que ma curiosité sera tarie un jour ? Laisse-moi clore tes paupières, Mathilde, une dernière fois. Au revoir, Mathilde. Peut-être apparaîtrai-je dans un autre regard, encore.